Les syntaxes chromatiques par Eric Arasim. L'emprise ludique des zones d'ombre masquant la clairière nous immerge d'un printemps graphique. Créative floraison des nuages muraux disséminés çà et là en motifs dans le ciel. Une saisie en plein vol, faiblesse des contrastes, symbole intérieur, incarnation du complexe, exercitation sous la forme brutale du vent qui célèbre les forces tueuses. Incroyable pays permettant le grand tour dans les collines molles d'une beauté amoureuse. Abattons rompu. Poésie de l'échec, Italie somptueuse. Une brume de violon déchire les vénitiennes, partitions à faire danser les lueurs célestes, goût amer des accords des rythmes langoureux. Sur les peaux tendues, telles des vinyles, crachant des mélopées stridentes et des accords en jazz majeur, endiablés. L'audace en fa dièse et la retenue en bémol. À secouer Vivaldi, ou peut-être Stravinsky. Pas d'improvisation possible pour les choristes sans voix et les instruments muets. Les menuets sont permis et les quadrilles illicites en quatre temps, quadrature du cercle et partie carrée, sur les pelouses de Manet aux accents de scandale. Nus, effeuillés et bourgeois gentilshommes, indécente rencontre permise dans les sous-bois du musée d'Orsay, où se dissimule l'Olympia, cette catin magnifique, au collier ras du cou et aux pantoufles moelleuses, qui nous invective ou nous invite dans son lit pour un moment de joie ou de petite mort d'un regard. Sophistiqué syphilitique. La partie est permise, les couleurs nous foudroient de leur sombre beauté. Parure délicate sur cette peau diaphane, corps spectral d'une incandescente lueur, sans espoir d'être aimé dans l'instant, mais des siècles plus tard, par des milliers d'amants, assurément en visite et pour toujours, dans la sérénissime cité aux odeurs lacustres, d'une peste sublime aux égouts déflorés par les hautes eaux, hivernales et glacées, usées de fatigue. Divin signal, génie du lieu, entre ciel et eau, une place flotte sur la lagune, une musique oubliée au fond d'un canal. L'énigme est là, l'écoute des choses splendides, une fois de plus. Cette sérénade derrière les glycines, venant de la chambre au volet clos. Une journée merveilleuse, étouffante de chaleur. Venise n'est qu'un quai où nos vies viennent un jour s'amarrer. Le charme du monde, un reflet dans la nuit sur une eau qui s'agite entre deux basiliques. Un silence. Ici se terminent les syntaxes chromatiques. Par Eric Arasim. Enregistré par Christiane Johan sous licence CC BY-NC-ND.